Pei Junyul, vice-président du Présidium du Comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, qui conduit la délégation des cadres de la nouvelle génération de la Chongnyon, Association générale des Coréens résidant au Japon, a pris le 28 juin une interview de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a indiqué « Nous avons l'occasion de saluer dans la patrie le jour significatif de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a manifesté la dignité et la puissance de la Corée de Sungun à un stade suprême par son sang-froid et son courage sans pareil pour ainsi ouvrir une période de grande prospérité, de la création et de la construction remarquable par la force de se renforcer soi-même sur la terre de la patrie. Avoir au poste suprême de la République le maréchal, incarnation des qualités et vertus pour dompter le monde et conduire toute l'humanité, est la grande gloire et la chance infinie pour la nation coréenne. »